Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oh que oui. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. Je vous souhaiterais bien une bonne année 2017, mais en 2016, j'ai fait ça. Souhaiter une bonne année à tout le monde et voyez le résultat. Une année de schnout, une année épouvantable sur le plan politique, économique, une hécatombe sur le plan artistique, hein, Bowie, Cohen, même Dominique Lévesque. Y a-tu plus inoffensif que Dominique Lévesque dans le monde? Une crise cardiaque, bang, fini. Ouf, ouais. Et politiquement, bien sûr, les USA ont élu une mandarine de 200 kilos avec le quotient intellectuel et l'attitude d'un enfant de 3 ans. Ben, il faut se consoler. Il reste rien que 4 ans. Alors, pas bonne année, mais des soupçons de bonheur pour vous, par-ci, par-là. Des instants de bonheur à faire de votre vie un parcours plus gratifiant, plus inspirant. Et nous, ben, on va vous aider à semer des graines qui vont peut-être germer, des graines qui sont faites de respect des faits, qui placent l'humain avant le profit, l'économie au service de l'humain. On fait ça pendant une heure chaque semaine à vous parler d'économie autrement et en vous présentant un livre et un invité qui ont tous deux ben du contenu. Ah oui, bienvenue à Econophile version 2017. En mission, effectivement. Alors, on est toujours aussi présent d'ailleurs sur les internets, sur Facebook, avec un blog aussi. Alors, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. C'est facebook.com/econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. Hein, on voit le bouton « En savoir davantage ». Alors, il n'y avait pas de bouton « Blog ». Alors, c'est « En savoir davantage ». Vous cliquez, hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous y trouvez la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions, en principe. Mais en fait, c'est les 3 dernières semaines. Il y a eu pause pendant 2 semaines, donc il n'y a qu'une seule émission, on se comprend. Mais il y a là aussi la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Pour écouter ou réécouter quand bon vous semble, hein, bien sûr, l'idéal pour la classe d'un prof d'économie. Mettons, je dis ça comme ça. Et puis, toujours sur le blog, vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question, histoire de lutter contre cette nouvelle ère complètement folle qu'on appelle post-factuelle. Gracieuseté de la mandarine appelée Trump. Fun, ça paraît. Et pour commencer la nouvelle année, on change un peu de ton d'ailleurs, pas longtemps, mais bien juste cette semaine peut-être, avec un petit livre intéressant, inspirant, qui fait le constat que L'économie a des problèmes, oui, certes, bon, si on se comprend là-dessus, mais propose des solutions. Ça, c'est intéressant. L'auteur est Emmanuel Delannoy, un entrepreneur conseiller en management qui place la biodiversité au cœur de sa réflexion. Ça donne un beau bouquin intitulé « Perma-économie ». Ah, d'accord, oui, c'est « Perma-économie », ça vous dit pas grand-chose, mais il vous l'expliquera d'ailleurs lui-même, puisque j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui. Il est donc mon invité de la semaine. Parler d'économie, d'écologie, de biodiversité, hein, oui, de coopération, d'économie circulaire, d'innovation. Ben nous, on est capable de faire ça, Econophile. Alors, ce sera une bonne émission. Et puis, c'est le moment normalement de l'année des résolutions. Hein. Peut-être que vous aurez la résolution de nous écouter le plus régulièrement possible. Et ça, ça nous flatte et on est bien content. Sinon, peut-être que pour les autres résolutions, c'est quelque chose comme Mission Impossible. Donc, Perma-économie, un livre d'à peine 150 pages, en fait, mais qui est un parcours inspiré dans les méandres économiques dont on peut s'extirper en faisant mieux, en faisant différemment, en coopérant, en étant conscient de ce qu'on fait de notre écosystème. Et oui, ça sonne très positif, et ça l'est, d'ailleurs, oui. L'auteur est résolument déterminé. Il croit que l'humain peut changer des choses, et pour ça, ben il faut se bouger, en somme. Si on attend après les autres, en fait, ben il se passera rien, hein. C'est exactement comme ceux qui attendent la souveraineté. C'est comme si ça allait venir tout seul. À un moment donné, tu te penches, « Oh, t'as un bout de souveraineté! » Mais non, ça marche pas comme ça. Alors, d'abord, le terme « perma-économie », hein, pour le définir, quoi de mieux que de le demander à l'auteur lui-même, n'est-ce pas? Hein? Non, mais tu sais, pourquoi je me taperais tout le boulot, hein? Alors, c'est quoi, perma-économie? Oui, perma-économie, de manière très simple. Alors, ça fait allusion, hein, évidemment, pour ceux qui connaissent la permaculture, qui est un terme qui a été inventé dans les années 70, en fait, par deux Australiens, Bill Mozison et David Holmgren. Permaculture, c'est la contraction de permanente agriculture. Et en fait, c'est une agriculture qui entretient d'elle-même, par l'activité agricole, les conditions de sa pérennité. C'est-à-dire que finalement, c'est une agriculture à double production. Une production pour les hommes d'aliments, de fibres, de matériaux, etc. Et puis une production pour la biodiversité, pour le sol, puisque finalement la permaculture est une activité, une pratique agricole, plutôt un ensemble de stratégies qui intègrent des pratiques agricoles qui permettent de conserver la biodiversité des sols et donc la capacité des sols à retenir l'eau, à fixer l'azote, le carbone, le phosphore, etc. Et bien finalement, la perma-économie, c'est un peu la même chose, sauf que là, on vise pas une, pas deux, mais trois productions. C'est-à-dire que la perma-économie, c'est une économie qui continue, comme elle le fait aujourd'hui, et qui le fait mieux d'ailleurs, j'espère, à créer des richesses, à créer de la valeur, à créer les conditions d'un bien-être humain. Mais c'est une économie qui réinvestit dans le capital humain, bien justement en créant les conditions de la confiance, en créant les savoirs, en contribuant au lien social et à la dissémination quelque part des conditions qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Et enfin, c'est une économie qui réinvestit dans le capital naturel, puisque c'est une économie qui entretient la capacité des écosystèmes à soutenir son fonctionnement. Et donc c'est une économie qui, au lieu de lutter contre la nature, au lieu de lutter contre la biodiversité, travaille avec elle. C'est quand même résolument moderne comme approche, on le comprend facilement. Donc, si perma-économie, c'est pas plus clair pour vous, ben, on va expliquer tout ça tranquillement au cours de la prochaine heure. Et d'entrée de jeu, d'ailleurs, dans le livre, l'auteur situe le contexte dans lequel on se trouve sur le plan économique, là. Il écrit ceci. Notre économie semble aujourd'hui incapable de créer la prospérité partagée qu'on serait en droit d'attendre d'elle. La confiance n'y est plus, ni entre les entreprises et les consommateurs, ni entre les employeurs et les salariés, ni entre les acteurs économiques eux-mêmes, ni plus largement en l'avenir. Les tensions sont exacerbées à l'extrême dans une féroce lutte pour la survie où tous les coûts semblent permis. Si elle produit bien des richesses, ce n'est qu'au profit exclusif d'une caste de plus en plus étroite de privilégiés et au prix de dégradations souvent irréversibles de l'environnement. Le climat de défiance qui s'installe entraîne une tentation de repli sur soi, une érosion des liens de solidarité, un renoncement progressif aux valeurs qui sont le socle même de notre humanité. D'où vient le problème? Il y a bien sûr les excès d'une économie hors sol, financiarisée à outrance, déconnectée du monde réel, aveugle à l'intérêt général et aux enjeux du long terme. Il y a aussi l'avidité sans bornes de ceux qui profitent habilement du désordre qu'ils ont eux-mêmes contribué à semer pour consolider leur position et renforcer leur pouvoir. Mais il y a surtout l'immense majorité de ceux qui laissent faire, écrasés par un sentiment d'impuissance face à un système qui les dépasse et dont ils ont renoncé à comprendre les rouages, victimes silencieuses, résignées, sinon consentantes. Vous sentez-vous visé? Sans qu'on se reconnaît un peu, là. Or, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, disait Albert Einstein. Chercher à comprendre, c'est déjà désobéir. Agir, entreprendre, consommer autrement pour prendre en main son destin, c'est déjà résister. Face aux cyniques, face aux profiteurs, il y a ceux de plus en plus nombreux qui refusent de se résigner. Il y a ceux qui ont choisi d'agir parce qu'ils ont compris que l'économie, et avec elle cet outil formidable, formidablement puissant mais complexe et vivant qu'est l'entreprise, sont des moyens de changer le monde. Masqué par le fracas du vieux monde, une nouvelle révolution économique est en cours. Fondée sur une nouvelle relation au vivant, l'économie de demain contribuera au maintien de la richesse, de la diversité biologique et de la fonctionnalité écologique de la biosphère, ce socle fondamental de l'épanouissement humain, ce capital naturel de la production économique. L'agriculture, le premier système de production conçu et géré par l'homme, est elle aussi engagée. Discrètement, trop lentement sans doute, de nouveaux modes de production et de distribution se mettent en place. La permaculture, concept élaboré au milieu des années 70 par des agronomes visionnaires, propose un cadre systémique pour la réflexion, décliné en principe de conception pour l'action. La permaéconomie, inspirée par le vivant et compatible avec sa dynamique, en est une extension, un champ économique tout entier de la production au commerce. La permaéconomie, c'est une nouvelle vision de l'économie qui assume et intègre la complexité du réel pour permettre à chacun de situer son action dans le contexte global des relations entre vivants humains et non humains. Alors, à la fois, il parle de la vraie nature de l'économie. C'est ce qu'il tente de nous décrire. L'économie, ce n'est pas seulement cette construction humaine mobilisant du travail, des compétences et des savoir-faire pour produire et répartir des richesses, vivre au présent et préparer l'avenir. C'est aussi une question de lien, d'interdépendance, de coopération, de projet, de hasard et de contingence. L'économie repose sur l'utilisation par l'humanité de ressources issues de processus naturels échappant encore et toujours à son contrôle. Économie et écologie au sens scientifique de ces deux termes sont indissociables. Les activités humaines dépendent de la biosphère qui en subit les effets, s'adapte et réagit en retour. Le message le plus fort de l'insecte, puisqu'il s'agit d'un insecte, c'est que la vraie question n'est pas de faire entrer la biodiversité dans l'économie, mais au contraire de replacer l'économie dans la biodiversité. Autrement dit, de rendre compatibles les flux de matière et d'énergie des activités humaines avec ceux de la biosphère. Joli défi. Ce livre, donc, s'adresse à vous. Il ne s'adresse pas à ceux qui font le mal. Ceux-là ont bien compris comment détourner les rouages de l'économie à leur seul profit. Il s'adresse à ceux autour de vous qui seraient tentés de renoncer, pensant qu'ils ne peuvent rien faire. Il s'adresse à ceux qui, producteurs ou consommateurs, cherchent comment apporter leur contribution à cette nouvelle économie. Il s'adresse à ceux qui ont compris que l'économie n'était pas un dogme, mais un ensemble de moyens qu'il convient d'utiliser judicieusement. Thank you. Donc, première partie de l'entretien avec Emmanuel Delannoy, auteur de ce livre. Ici, on revient un peu sur ce que je viens de lire, parler d'économie. Oui, mais des perspectives de confiance, oui, malgré le contexte déprimant, malgré le pessimisme qui peut habiter plusieurs, effectivement. Alors, l'économie est créée par l'homme. L'homme doit donc pouvoir y faire quelque chose, non? Vous commencez avec un constat qui est un peu semblable à ça. Vous parlez de l'économie qui ne répond pas tout à fait aux attentes. Vous parlez de prospérité qui est pour les privilégiés. Mais tout le reste du livre, ça m'apparaît comme étant vraiment axé d'une manière positive sur comment on peut faire pour en sortir. C'était volontaire? Vous êtes fait comme ça, quoi, de présenter les choses sous l'angle de la solution? Ah, alors je sais pas. Bon, ça, c'est un travail hein, qu'il faut faire aussi. On a toujours le choix face à une situation à la regarder d'une manière positive ou négative, effectivement. Jean Monnet, vous savez, le père fondateur de l'Europe, hein, disait toujours « Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». Je crois que là, à partir du moment où on comprend que l'économie n'est qu'un moyen, l'économie n'est qu'un instrument, l'économie n'est pas autre chose qu'une manière par laquelle les humains s'organisent pour produire des richesses et répartir ces richesses, à partir du moment où on a compris que c'était un instrument, qu'il fallait qu'on maîtrise cet instrument, ben, il faut refuser de subir. Et pour refuser de subir, il faut imaginer comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait faire mieux. Et si c'est ça que vous appelez un discours optimiste, moi, ça me va très bien. Oui, parce que quand même, vous parlez des gens qui sont, de la majorité, en fait, qui sont des victimes résignées, sinon consentantes. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'acceptation volontaire de la situation. C'est ce que vous sentez. Donc, vous avez quoi? Vous sentez motivé par l'idée d'offrir au moins une perspective intéressante? Oui, je crois qu'il y a vraiment, et on peut le constater assez largement d'ailleurs hein, dans l'ensemble des sociétés. Alors, on va dire assez paradoxalement d'ailleurs dans les sociétés occidentales développées, dans lesquelles les gens sont en moyenne relativement riches, et je dis ça même parmi les plus pauvres de ces pays-là, on est toujours plus riche que quand si on habitait au Bangladesh ou si on était au Burkina Faso ou dans un pays en développement avec un PIB par tête extrêmement bas. Et en fait, nous sommes dans une situation aujourd'hui où beaucoup de gens se résignent au découragement, beaucoup de gens ont l'impression que tout ça les dépasse complètement, beaucoup de gens ont l'impression que tout ça est trop compliqué pour qu'ils puissent avoir la moindre chance d'influer sur ce qui se passe. Et effectivement, mon propos, c'est de dire on a tous les moyens de faire quelque chose. Et finalement, la clé du bonheur, hein, peut-être, elle réside dans la capacité à maîtriser quelque chose de son destin. Vous avez prononcé le mot confiance, qui me paraît extrêmement important aussi. Enfin, j'y fais allusion à plusieurs reprises dans le livre. Il y a un économiste et anthropologue français qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Jacques Weber, à qui l'ouvrage est dédié, ainsi que Robert Barbeau d'ailleurs. Et Jacques Weber disait toujours « La pauvreté, c'est de ne pas être capable de préparer son avenir, de maîtriser son avenir. La misère, c'est de ne pas être capable de maîtriser son présent. » Et j'ai envie de dire, la prospérité, le vrai sens étymologique hein, du mot prospérité, c'est d'être capable de se projeter dans l'avenir. C'est d'avoir confiance en l'avenir. Et c'est vraiment ça qu'il s'agit de rebâtir aujourd'hui, et c'est à ça que doit servir l'économie. Mais vous présentez, vous renversez hein, les perspectives d'ailleurs, parce que vous replacez vraiment l'humain au centre de tout ça, et ça, c'est ça apparaît essentiel dans votre bouquin, parce que vous dites les humains d'abord, hein, c'est pas l'économie au service des c'est l'économie au service des humains et non le contraire en fait. Oui. Parlez aussi beaucoup de biodiversité, de l'écologie finalement, qui est pas c'est pas un mariage anormal comme on tente parfois de nous le présenter comme si c'était un exploit. Pour vous, c'est essentiel. Quand vous dites que je renverse les perspectives, je pense que c'est pas moi qui les renverse, j'essaye de les remettre à l'endroit justement. Ne pas oublier que l'économie est un instrument créé par l'homme, donc au service de l'humain. Ce qui se passe, et c'est une dérive, c'est qu'on a l'impression de plus en plus que dans les instruments de régulation économique, tels qu'ils sont vus par les grands décideurs, tels qu'ils sont vus par ces grandes mécaniques internationales, ces grandes multinationales, l'humain devient la variable d'ajustement. Alors que non, l'humain, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie. L'humain, c'est le but de l'économie et c'est le moyen par lequel l'économie existe. L'humain, il n'y a pas d'économie sans humain. Et finalement, l'économie n'existe que au service des humains. Et le rapport à la biodiversité, là aussi, il est essentiel et il est complètement oublié. C'est qu'on oublie finalement que tout ce que font les hommes sur Terre depuis que l'espèce humaine existe, c'est de prélever des ressources dans la nature et de transformer ces ressources. Et de transformer ces ressources en y ajoutant de la valeur, évidemment, par le travail, par la compétence qu'on y apporte, par l'aspect logistique, etc. Et c'est cette valeur ajoutée apportée par l'homme à des ressources qui sont issues des écosystèmes, qui permet l'activité économique. Et donc finalement, si on n'a pas de biodiversité, on n'a pas non plus d'économie. Et ce que l'économie a tendance à oublier aujourd'hui, et vous le disiez dans votre propos introductif, hein, on regarde toujours l'économie parce qu'elle a de négatif, par ses impacts, par les dégradations sur les écosystèmes que les activités économiques peuvent induire. Mais en fait, si on renverse, là, pour le coup, la perspective, et qu'on prend conscience que l'économie n'existe pas sans la nature, l'économie n'existe pas sans la biodiversité, et que donc la dégradation de la biodiversité aujourd'hui, elle obère la capacité des humains demain à créer de la richesse pour les humains, et même dès aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes dégradent les conditions d'exploitation pour les entreprises, et donc pour l'économie, on renverse complètement la perspective. Du coup, la biodiversité ne devient pas un truc externe au système, ne devient pas un truc un peu accessoire, mais devient quelque chose de complètement stratégique, quelque chose qui est vraiment au cœur aussi. Alors, on vient d'écouter Emmanuel Delannoy, auteur du livre « Permaéconomie », et on va l'entendre encore pour la prochaine demi-heure. Donc oui, on dit que l'homme doit pouvoir faire quelque chose, et ça, ben, on le sent bien tout au long du livre d'ailleurs. L'auteur croit à l'engagement, à l'idée de se retrousser les manches, hein, aussi, bien entendu. Alors toujours dans l'optique de démystifier un peu l'économie, il écrit ceci. Ces formules que personne ne comprend, ces tableaux remplis de chiffres que seuls quelques experts prétendent décrypter en cherchant à leur faire dire ce qu'ils veulent, ces équations, ces théories, ces modèles mathématiques compliqués, ces indicateurs de performance, comment se sentir concerné, en effet? Et pourtant, l'économie, c'est ce qui fait notre quotidien, c'est ce qui façonne notre avenir. Alors, on peut choisir de laisser faire et subir, ou essayer de comprendre et d'agir. Pour certains, c'est vrai, l'économie est seulement le moyen de gagner de l'argent, le plus possible, jusqu'aux absurdes extrêmes de la cupidité. Mais pour d'autres, de plus en plus nombreux, c'est un moyen de résoudre des problèmes, de laisser une empreinte positive sur la société, voire de changer le monde. C'est à la rencontre de ceux-là que nous irons. Car l'économie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font. Pour faire mieux, pour faire face aux difficultés, on innove, on invente, parfois même on improvise. Or, il n'est d'innovation que celle qui rencontre leur marché. Les cas ne sont pas rares de bonnes idées qui sont restées dans les tiroirs. Entreprendre aujourd'hui pour apporter des solutions concrètes et qui marchent aux enjeux de notre société nécessite de sortir des sentiers battus, d'oublier les vieilles recettes, de penser autrement. La réponse aux défis sociaux et environnementaux n'est pas dans la technologie, en tout cas pas seulement. Il est temps d'imaginer une approche systémique de l'innovation qui prenne en compte les aspects techniques, organisationnels, sociaux et économiques à toutes les échelles pertinentes. Cette approche existe et elle est aujourd'hui appliquée avec succès dans de grandes entreprises comme dans les plus petites d'entre elles. Oui, je vois les images du film. Donc, oui, on appelle ça sortir des sentiers battus, essayer de sortir de la zone de confort. Il y a toutes sortes de petites formules un peu clichés d'ailleurs dont on se sert beaucoup en publicité ou dans la vente. Mais ici, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on n'essaie pas de nous dire que c'est la révolution qu'il faut viser à tout prix. Non, non, c'est pas ça. À partir même de ce dont on dispose, bien souvent, on peut déjà améliorer la situation. Ça ne veut pas dire de devoir réinventer la roue à chaque fois ou réinventer la roue de la poudre à canon, là. Non, c'est pas ça. En fait, on parle ici d'innovation. Ça aussi, c'est un mot souvent galvaudé qu'on surutilise parce que ça paraît souvent bien, hein, ces vendeurs. Faire un meeting d'innovation pour parler comment innover, c'est plein de promesses. J'ai assisté à ces séances où un consultant vient dire au monde comment innover. Et souvent, ce qu'il y a d'innovant, c'est l'idée de payer 3000 $ pour un gars qui vient dire au monde qu'ils doivent innover. Ouais, c'est wow. Mais avoir de nouvelles idées, ben comment vendre du vent, c'est plutôt décevant. À moins que ce soit dans l'industrie éolienne où là, ben vendre du vent, c'est très payant. Mais bref, pour revenir à nos moutons. Ici, l'auteur pose des questions intéressantes, fournit des pistes qui ne sont pas difficiles à comprendre. Innover, c'est pas juste sur le plan technologique, c'est pas qu'une affaire de bébelle. Et dans la coopération, on peut obtenir beaucoup. Vous insistez beaucoup dans le livre sur l'innovation, notamment, et ça, parfois on peut penser qu'il y a un côté très très publicitaire, marketing à ça. On se sert beaucoup de l'innovation un peu pour tout et n'importe quoi. Vous le prenez de front, l'innovation, à quel point c'est important pour vous? En fait, ça dépend de quelle innovation on parle. Le problème, c'est que quand on parle d'innovation aujourd'hui, généralement les gens, et notamment les investisseurs, mais aussi les autorités politiques et les régulateurs, pensent innovation technologique. Donc ça veut dire qu'il faut un nouveau produit, qu'il faut une nouvelle technologie, qu'il faut éventuellement un nouveau procédé. En fait, l'innovation, elle est là d'abord pour servir des besoins, elle est là d'abord pour aider à s'adapter finalement à des contextes qui changent, à des besoins qui vont changer. Et finalement, on ferait mieux de parler d'innovation immatérielle, d'innovation adaptative, d'agilité, d'innovation dans les modèles économiques, d'innovation dans les organisations, d'innovation dans les relations entre institutionnels et entreprises. Et en fait, l'innovation est quelque chose de complètement systémique, c'est pas du tout que l'innovation technologique. Et dans cette perspective-là, quand on parle d'innovation, on parle vraiment de stratégie adaptative. Et ça, c'est un autre point qui est important d'ailleurs, je voudrais insister un peu là-dessus, c'est que quand on parle d'adaptation souvent dans le langage courant, il y a une sorte de renoncement, c'est-à-dire que finalement on fait comme si le constat que les tendances étaient inéluctables et qu'il fallait qu'on s'adapte à quelque chose d'absolument inévitable. Non, l'adaptation, c'est garder en main le plus de cartes possible, de conserver le plus de marge de manœuvre possible, de manière à faire en sorte que le champ des possibles pour demain soit le plus large, plus largement ouvert possible. Donc c'est tout le contraire de la résignation. L'adaptation, c'est au contraire anticiper, prévoir et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais vous avez aussi quand même, parler de l'effet, notamment de la technologie. Hein. La technologie est déjà là. Ne serait-ce que commencer par mieux se servir de ce dont on dispose et de l'innovation pour vous. En fait, c'est ce que j'en comprends. Le mieux utiliser, vous servez entre autres l'exemple bien bête là, du bâtiment à meilleure performance énergétique, juste de réduire la consommation, de faire attention à l'énergie dont nous disposons. Et déjà, on va avancer beaucoup, là. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un phénomène qui est intéressant aussi. Et pour le coup, c'est une vraie note d'espoir, mais encore une fois, en condition de changer le regard qu'on a sur les choses. On a toujours l'impression que c'est demain, ça va aller mieux, parce que demain, il y aura des nouvelles solutions techniques. En fait, les solutions techniques qui nous permettent de régler les problèmes d'aujourd'hui, elles sont déjà là pour la plupart depuis 30 ou 40 ans. Et elles sont déjà largement éprouvées, et elles sont simples, et elles reposent sur des choses finalement qu'on appellerait aujourd'hui des low-tech, hein, qui sont essentiellement du savoir-faire et de la capacité à mieux utiliser des matériaux, des structures, des techniques qui sont déjà disponibles. Et ça aussi, ça change la perspective, parce que ça remet aussi pour le coup l'humain au cœur. C'est-à-dire, ce qui est essentiel, c'est pas une innovation technologique, des smart grids, des nouvelles technologies de transformation de l'énergie par du photovoltaïque ou autre. Évidemment, on augmentera les rendements, évidemment, on va améliorer des choses. Mais c'est d'abord la compétence des humains et leur capacité à maîtriser les techniques qui sont disponibles. Vous croyez aussi parler beaucoup de la coopération. Donc, pour vous, c'est faire, je pourrais le résumer en disant, faire évoluer la nature des relations, c'est ça? Oui, alors ça, c'est un phénomène, mais on se souvient tous, hein, par exemple, du système éducatif où on est évalué sur une performance individuelle et on a des notes et il faut avoir des meilleures notes si on veut être le premier de la classe et il faut avoir des meilleures notes si on veut avoir le choix des écoles qu'on voudra faire par la suite. Et on est souvent dans une logique de compétition entre personnes. Et en fait, notre système éducatif nous formate à la compétition. Et finalement, on fabrique en série des personnes qui arrivent à l'âge de travailler, qui seront performants individuellement. Et puis quand on arrive en entreprise ou quand on arrive même dans la fonction publique, dans une collectivité, on se rend compte que finalement c'est plus être performant individuellement qu'il faut, parce que où qu'on aille, c'est un travail d'équipe. Et donc il va falloir être performant collectivement. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de coopérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas appris pendant nos études, la plupart du temps. Alors c'est en train de changer, heureusement. Ça va plutôt dans le bon sens de ce côté-là. Dans les entreprises aussi, c'est en train de changer dans les pratiques de management, parce que finalement, on a eu beaucoup d'entreprises hein, où on mettait en place des systèmes un peu pervers, on confiait la même tâche à plusieurs personnes et on voyait laquelle s'en sortait mieux, etc. Et aujourd'hui, on essaye de miser beaucoup plus sur l'intelligence collective et la capacité de coopération. Et là, on a des dynamiques qui permettent vraiment de révéler les potentialités humaines et finalement de révéler ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire une espèce sociale, une espèce apte aux relations inter-individuelles et apte à coopérer pour s'en sortir par le haut. Et pour faire un petit clin d'œil à la biodiversité, là aussi, il suffit de regarder autour de nous dans la nature, et là aussi de changer notre regard. On se rend compte que la nature n'est pas ce monde cruel et impitoyable qui ne permet que la survie du plus fort. Non, la nature, c'est essentiellement un lieu dans lequel les individus au sein des espèces coopèrent et les espèces coopèrent au sein des écosystèmes. Oui, et l'équilibre est d'ailleurs essentiel en nature aussi, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment un équilibre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme non plus absolu et de dire il n'y a pas de compétition du tout. Non, il y a un équilibre sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il y a un volet coopération et il y a un volet compétition. Et Jean-Marie Pelt disait toujours, hein, un botaniste assez connu qui est décédé il y a quelques années aussi, botaniste français, qui disait dans les systèmes vivants, c'est la coopération qui crée et c'est la compétition qui trie. Et effectivement, le volet compétition est toujours là dans la nature pour sélectionner par sélection naturelle les solutions les plus aptes. Et dans le monde économique, dans la réalité économique aussi, il y a évidemment une compétition, il ne faut pas se voiler la face. Mais cette compétition doit être aujourd'hui rééquilibrée en faveur de la coopération. Donc, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1, c'est KRL avec David Lemelin au micro. Et je fais la lecture du livre « Permaéconomie » d'Emmanuel Delannoy. On parlait de coopération plus tôt. Et l'auteur en parle de manière à utiliser la compétitivité, hein, il l'a dit, autrement qu'en montant, en se montant les uns contre les autres. Alors là-dessus, il écrit ce qui suit. L'émergence de la coopération en tant que levier de compétitivité économique devrait nous inciter à reconsidérer le rôle de la concurrence et l'équilibre entre coopération et compétition. Il est aujourd'hui fréquent que producteurs, transformateurs et distributeurs s'affrontent pour capter le maximum de la valeur ajoutée, pourtant créée par l'ensemble de la filière à leur seul profit. À ce petit jeu, pour prendre l'exemple de ce qui se passe dans la filière agroalimentaire, le producteur primaire gagne à peine de quoi survivre et payer ses charges de fonctionnement, de même que les premiers transformateurs, souvent des PME locales, alors que les distributeurs bien organisés en grande chaîne nationale captent l'essentiel de la valeur. De nouveaux modèles économiques permettent de concevoir des rapports plus équilibrés, mutuellement bénéfiques entre acteurs d'une même filière. Ouais, il y a beaucoup de vœux là-dedans, d'accord? Ces nouveaux liens de coopération peuvent être immatériels. Ils peuvent aussi reposer sur des flux physiques entre acteurs économiques. C'est le principe de ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres. Par exemple, des calories perdues peuvent être récupérées puis distribuées via des réseaux de chaleur. La chaleur émise par une raffinerie ou une cimenterie peut servir à chauffer des serres, des bassins d'aquaculture ou des logements. copeaux de bois, limaille de fer, matière organique fermentescible, cendres ou gypse, presque tout ce que l'industrie produit comme déchets peut être valorisé. La seule limite étant celle des distances à parcourir. Il y a une incitation à relocaliser des activités en fonction de leur complémentarité et de leur synergie potentielle. Pourtant, là aussi, il y a un déterminant d'ordre immatériel, la confiance. Ah ben oui. Le succès de ces approches suppose une bonne circulation de l'information, y compris de celles considérées comme confidentielles. Car informer sur ces déchets, c'est dévoiler une partie de ses secrets de fabrication, en effet. Ce maillage local des flux d'énergie et de matière créant une plus grande interdépendance entre acteurs, il suffit que l'un défaille ou change de procédé pour que ceux qui valorisaient ces déchets soient affectés. Il est donc impératif d'établir des relations de confiance formalisées par des engagements contractuels réciproques. Oui, mais on change complètement d'approche, là. Aménager le territoire n'est pas seulement une question d'infrastructure, de voies de communication ou d'investissement industriel. C'est aussi anticiper les changements systémiques à venir en renforçant les compétences et la circulation d'informations, en structurant des réseaux d'acteurs, en misant sur les ressources et les savoir-faire locaux. Alors, la coopération permet de rendre viables des modèles économiques nouveaux. Elle permet de développer des synergies entre des acteurs économiques tout en limitant les consommations de ressources. Elle permet de préserver les ressources naturelles rares et des milieux écologiques fragiles tout en y maintenant des activités économiques. Elle permet enfin, y compris dans les territoires ruraux et isolés, de soutenir l'emploi local et de garder des villages vivants. Nul ne peut donc dire « je suis trop gros pour coopérer » ou « je suis trop petit ou trop isolé pour coopérer ». Ou mon activité est trop atypique, je ne vois pas qui pourrait vouloir coopérer avec moi. La coopération est un élément fondamental de cette nouvelle économie vivante, viable, vivable et désirable, dont nous allons progressivement dessiner les contours. Oui, vous aurez peut-être reconnu le thème de Léa, la princesse décédée, hein, ça a quand même, ça marque l'imaginaire, hein, veut pas. Oui, donc, évidemment, faire des changements importants comme effectuer une transition dans notre utilisation de l'énergie, c'est pas nécessairement facile, en particulier pour le secteur industriel, c'est beau sur papier, mais dans la vraie vie, ça peut être assez complexe, évidemment. Alors, l'auteur écrit ceci. Passer d'un modèle de développement industriel centralisé reposant sur des sources d'énergie fossiles à un modèle décentralisé reposant sur des ressources d'énergie renouvelables ne va pas de soi. Nous faisons face à deux problèmes au même moment et ils se renforcent mutuellement. Plus d'énergie est nécessaire pour extraire et raffiner les métaux et plus de métaux sont nécessaires pour produire une énergie moins accessible. La transition vers les énergies renouvelables s'accompagne, du moins telle qu'elle est actuellement mise en œuvre, d'un accroissement rapide de la demande mondiale en métaux, comme le lithium nécessaire au stockage de l'énergie dans les batteries, le platine pour la construction de moteurs fonctionnant à l'hydrogène ou encore de nombreuses terres rares nécessaires à la fabrication des appareils électroniques. Même le silicium, élément pourtant abondant puisqu'il est le principal constituant du sable, est aujourd'hui sous pression. Alors, du pétrole aux métaux, ne risque-t-on pas de passer d'une pénurie à une autre? Ce serait une bien funeste nouvelle, car cela réduirait considérablement notre marge de manœuvre. Ben oui, passer d'une pénurie à l'autre, pas tellement une bonne idée. On a vécu ça souvent dans l'histoire de l'humanité. On est bon là-dedans, hein? Vider des ressources, hein? Stock de poissons, les mines, les forêts, etc. Alors, il faut lire ici le livre alors que l'auteur donne des exemples d'innovation qui nous permettent de comprendre qu'au fond, la véritable innovation, demain, ce sera dans la conception et l'usage, pas dans le high-tech. La révolution du design est en marche, dit-il. Et c'est tranquillement qu'il nous amène vers le capital naturel, vers les liens qu'il y a entre le vivant et notre économie. Il nous amène vers l'économie circulaire, bien sûr, hein, qui est, dit-il, l'économie au service de la vie. Et on est de plus en plus efficace dans ce domaine-là, d'ailleurs, au Québec. Et c'est presque poétique, d'ailleurs, la façon qu'il en parle. Pour l'économie, c'est quand même pas mal. Alors, pour nous en parler, dernier extrait de l'entrevue réalisée avec l'auteur. Et cette coopération-là, d'ailleurs, vous amène à parler, à reparler de, évidemment, l'économie circulaire, c'est pas nouveau en soi, mais je trouve assez intéressant la façon que vous l'articulez autour de cette coopération-là, c'est-à-dire que se servir mieux de nos ressources quand on crée, par exemple, des déchets, nos déchets pour quelqu'un d'autre peuvent être une ressource. Donc, c'est pour ça, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, que tout est lié pour vous, là. Oui, effectivement, l'économie circulaire, son origine, finalement, c'est une démarche qui s'inspire de la dynamique des écosystèmes, qui s'inspire du vivant, mais qui n'a pas forcément été au bout de la réflexion. Si on regarde vraiment dans les systèmes vivants comment ça fonctionne, c'est la diversité qui permet la coopération. Et c'est aussi éventuellement une certaine frugalité qui permet la coopération. C'est-à-dire que dans des écosystèmes où les ressources seraient très abondantes, par exemple, on va avoir une compétition entre espèces, et notamment cette compétition sera au profit des espèces à croissance la plus rapide, des espèces qui vont être capables de capter les ressources plus rapidement que les autres. Dans des systèmes où il y a une plus grande frugalité des ressources, il va falloir utiliser de manière parcimonieuse et intelligente ces ressources-là et les partager efficacement entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs on utilise de plus en plus le terme d'écosystème appliqué au monde économique. Et bien c'est un petit peu pareil. Dans un territoire économique, si tous les acteurs économiques ont les mêmes compétences, les mêmes profils, les mêmes besoins, les mêmes attentes, etc., ben forcément c'est une logique de compétition qui va prévaloir. Si au sein du même territoire, les acteurs économiques sont complémentaires, ont des attentes différentes, ont des besoins différents, on va se retrouver dans une logique de complémentarité et donc de coopération, puisque je vais peut-être moi avoir besoin de quelque chose qui pour vous sera un déchet, ce que vous venez d'évoquer. Ou tout simplement, je vais prendre conscience, parce que c'est l'autre volet de l'économie circulaire, à travers l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, justement, qui est vraiment une économie de l'usage, je vais comprendre que pour satisfaire au mieux les besoins de mes clients, ben, je ne pourrai pas y arriver tout seul, et que j'aurai besoin des compétences d'autres acteurs économiques du territoire. Et donc, on va ensemble monter des partenariats, coopérer, et finalement, ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Et d'ailleurs, vous replacez au passage le concept de recyclage qui a une aura quand même très, très, très positive, mais qui, au fond, atteint peut-être pas l'objectif de qu'on espérerait finalement, c'est ce que je comprends. Oui, alors pour tout un tas de raisons que je pourrais pas développer ici, mais si j'en cite par exemple juste deux, c'est que d'abord les besoins humains continuent à augmenter, la population mondiale augmente encore, et puis dans les pays en développement, on a une aspiration légitime à mieux satisfaire ses besoins. Donc ça veut dire que la demande augmente encore. Donc on va continuer à les prélever des ressources vierges dans la nature. Et que par ailleurs, bah, quand on prend des minerais pour les transformer en tôle, et qu'on utilise ces tôles pour faire des voitures, ou pour faire des poutres qui vont être dans des maisons par exemple, bah, ces matériaux vont être stockés dans la technosphère, dans la société, pendant la durée de vie du produit, pendant 30 ans, 40 ans ou 100 ans, si c'est des poutres dans un immeuble. Et donc ce temps de résidence-là va faire effectivement que bah, on aura besoin d'aller chercher de nouveaux matériaux pour satisfaire les nouveaux besoins. On n'est pas à croissance zéro, à stabilité totale des besoins humains, et donc on continue à aller prélever des ressources. Et donc c'est vraiment plus une question de sobriété, en fait, dans l'utilisation des ressources qui est importante. L'autre point important, c'est que chaque fois qu'on transforme des matériaux, d'abord il y a des pertes de performance, de qualité, il y a ce qu'on appelle des usages dissipatifs qui font qu'il y a des matériaux qui sont dissipés, dispersés dans l'environnement, en quantité si infime que c'est compliqué de les reconcentrer. Et puis surtout, recycler, c'est utiliser de l'énergie. Et c'est donc transformer de l'énergie, et là on est dans la thermodynamique cette fois-ci, d'un état de disponibilité importante, par exemple à travers le pétrole ou le charbon où l'énergie est disponible là tout de suite de manière très intense, en une énergie qui va être dissipée, dispersée essentiellement sous forme de chaleur et qui va être extrêmement compliquée à utiliser. En fait, si on peut recycler les matériaux, on ne peut pas recycler l'énergie, et l'énergie est vraiment le facteur limitant de l'économie circulaire. Ça veut dire que comme on ne peut pas miser sur le recyclage, il faut miser sur autre chose, et il faut penser à raccourcir les boucles finalement, et se dire que l'économie circulaire, c'est pas seulement la grande, longue et énergivore boucle du recyclage, mais l'économie circulaire, c'est toutes les boucles intermédiaires qui créent plus de valeur, par exemple par l'augmentation de la durée de vie des objets, par exemple par la mutualisation de ces objets, le fait qu'un même objet, une fois fabriqué, va servir les besoins d'un plus grand nombre de clients, et donc délivrer plus d'unités de valeur. C'est par exemple le fait aussi qu'on peut constituer des banques de pièces détachées et qu'on peut refabriquer des objets à partir de pièces détachées qui auront déjà été utilisées sans avoir besoin de recycler et de les broyer, de les casser pour récupérer les matériaux qu'ils contiennent. Donc toutes ces boucles-là sont plus courtes, elles créent plus de valeur, elles sont plus sobres en énergie et elles sont plus intenses en main-d'œuvre, est un point important aussi, parce que ça va permettre de créer plus d'emplois. D'ailleurs, parce que je pourrais vous poser la question un peu avocat du diable, en disant, bon, c'est bien, vous faites un livre plein de confiance, vous voulez qu'on contribue modestement, chacun de nous, à changer les choses. Est-ce que les choses peuvent vraiment changer dans un monde où la financiarisation est vraiment très forte, omniprésente, où vous en parlez vous-même, vous parlez du chantage à l'emploi qui souvent peut prendre des décisions qui ne vont pas dans ce sens-là, en tout cas pour les politiques. Oui, parce qu'on est effectivement dans cette difficulté où finalement on a besoin d'une impulsion pour sortir des réflexes actuels, et que cette impulsion, elle nécessite un peu d'effort, elle nécessite un peu d'énergie, elle nécessite d'avoir d'autres perspectives. Or, aujourd'hui, on n'a pas ces autres perspectives, et ça rejoint finalement ce que je dis en introduction du livre, c'est que tant qu'on a l'impression que tout ça, ça nous dépasse complètement, tant qu'on a l'impression qu'il y a, comme disait Margaret Thatcher, « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, ouais. S'il n'y a pas d'alternative, alors c'est pas la peine, résignons-nous. En l'occurrence, non, mon propos, c'est de montrer qu'il y a des tas d'alternatives, et que ces alternatives sont crédibles d'un point de vue économique, elles existent déjà là, elles sont présentes, et que du coup, la financiarisation, c'est pas quelque chose d'inéluctable. Le chantage à l'emploi que peuvent faire certains industriels, on a des arguments pour démonter ça, et dire, écoutez, non, nous, dans le territoire, nous sommes convaincus qu'on peut faire autrement, et on va, avec les acteurs qui veulent bien travailler avec nous, mettre ça en place, etc. Et finalement, on change non seulement le rapport de force, mais aussi le rapport de confiance, parce que c'est pas qu'une question de rapport de force, il faut aussi embarquer tout le monde dans l'histoire. Mais si on n'a pas la confiance des acteurs qui peuvent faire quelque chose, on n'avancera pas. En effet. Et dans la suite du livre, et jusqu'à la fin d'ailleurs, l'auteur explique ses liens, les cycles, les échanges entre le système permaéconomique et la biosphère, graphique à l'appui d'ailleurs. On est en plein dans le développement durable, mais le bouscule aussi en essayant de le pousser hors de sa zone de confort, pour reprendre l'expression constamment recyclée. Alors, ceux qui sont familiers vont aimer, ceux qui veulent s'y intéresser aussi, ceux qui se foutent de développement durable ne sont pas en train d'écouter de toute façon. Alors, à la fin du livre, on trouve ceci pour conclure. Imaginez un instant que nous vivons dans une vaste bibliothèque et que le seul usage que nous ferions des livres serait de les brûler pour nous chauffer. Ce serait absurde, n'est-ce pas? Ce serait même scandaleux et irresponsable, et c'est pourtant bien ce que nous faisons aujourd'hui avec le vivant. Chaque espèce qui vit est un livre, un trésor de connaissances si nous nous donnions la peine d'aller les chercher, pourrait bien nous emmener vers des horizons que nous n'imaginons même pas. Chaque écosystème est une bibliothèque, recelant des quantités considérables de livres qui nous sont pour la plupart encore inconnus. Ce sont pourtant ces trésors que nous laissons disparaître la plupart du temps dans l'indifférence. Or, si le vivant commence à être pour certains d'entre nous une source d'inspiration pour nos innovations, ce qui après tout n'est déjà pas si mal, il peut nous emmener plus loin. Le biomimétisme ne doit pas être vu seulement comme une opportunité d'accélérer les processus d'innovation, de construire des matériaux plus performants ou de mettre au point des organisations plus agiles et plus fluides. Il doit aussi et surtout nous conduire à repenser notre relation au vivant pour que des prédateurs, voire super prédateurs, nous devenions enfin des symbiotes de la biosphère. Symbiotes de la biosphère. Permaéconomie, le mot restera ou pas? L'essentiel est que l'idée fasse son chemin et continue d'inspirer en donnant du sens à leur action, ceux qui agissent et font l'économie. Je vais essayer de temps en temps, si c'est possible chaque semaine, de parler un petit peu d'actualité. Peut-être que vous avez vu passer ça. Moi, ce que ça m'a fait réagir, des revenus vertigineux pour 100 PDG canadiens. Ah oui, les PDG les mieux payés au Canada ont déjà gagné le salaire annuel moyen. Et là, c'était le 3 janvier. Là. Il aura suffi des premières heures de la matinée mardi, donc 3 janvier, alors que la plupart des travailleurs canadiens reprenaient tranquillement leurs activités professionnelles au lendemain des fêtes, pour que les 100 présidents directeurs généraux les mieux rémunérés du pays engrangent déjà davantage que le salaire annuel du travailleur moyen en 2017. Si l'exercice publié annuellement depuis 10 ans par le Centre canadien de politique alternative, CCPA, est critiqué par plusieurs groupes de réflexion, réflexion, c'est peut-être le mot de trop. Mais bref, il n'en reste pas moins que l'image frappe. À 11h47, très exactement, l'élite des chefs de la direction du pays avait déjà empoché le salaire moyen annuel d'un Canadien travaillant à temps plein. Et l'écart ne fait que s'accroître. En 2016, il avait fallu une demi-heure de plus pour franchir ce seuil symbolique. Ah, vous voyez comme ça va mieux, là, hein? Même le Canada est sur la bonne voie pour être « great again ». Non sans humour, le rapport du CCPA souligne également que le palmarès des 100 PDG les plus riches compte 5 hommes nommés Mark ou Mark, 5 Michael, 4 Alain ou Alan, et autant de John, Paul et Steve, et 3 hommes appelés Brian, Charles ou Donald. Sans surprise, la plupart d'entre eux sont des hommes blancs. Sur les 100 PDG les mieux payés au pays, seulement 2 sont des femmes. Ah, mais la réponse de l'Institut économique de Montréal est absolument sublime, là. À l'inverse du CCPA, donc l'Institut économique de Montréal, juge plutôt ce palmarès improductif. Ça ne sert qu'à susciter l'envie et ça ne contribue pas à faire avancer le débat sur l'inégalité de la richesse. Ça laisse miroiter que si on redistribuait ces richesses, on aurait moins de problèmes. Mais ces revenus, ce sont des sommes infimes si on les compare, par exemple, aux ressources dont dispose le gouvernement, affirme Alexandre Moreau, analyste en politique publique au sein de l'IEDM. Ouais, si hypothétiquement le fisc mettait la main sur 100% de cette rémunération, cela représenterait à peine 0,12% de l'ensemble des dépenses publiques des divers paliers gouvernementaux canadiens, relativise-t-il? Ben non. Et c'est l'ensemble de tous ces petits passe-droits qui finissent par donner une inégalité qui n'a pas de sens. Là, c'est pas un, puis pas l'autre, puis non, mais à un moment donné, on fait des changements, on les fait pas. Enfin, bref. C'était un article intéressant, peut-être aussi un peu déprimant, qui a été publié en tout début d'année. Vous voyez que ça va bien. Et vous avez peut-être vu aussi passer, hein, un thon rouge vendu 845 000 $ au Japon. Oui, hein, on manque d'argent, c'est difficile la vie, c'est très difficile. Donc, perma-économie d'Emmanuel Delannoy pour parler solutions à ces temps économiques plutôt obscurs. Et c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. La semaine prochaine, je vous présente le livre « L'économie démystifiée » de l'économiste Jean-Claude Cloutier, un livre qui aide sérieusement la compréhension des termes, des concepts, des enjeux économiques, la science aussi d'ailleurs, rendre le tout accessible, compréhensible, ça nous ressemble ça. Et bonne nouvelle, il sera des nôtres samedi prochain avec du neuf à vous annoncer. Oui, je ne vous en dis pas plus. Bonne semaine, merci à tous de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Merci et à samedi prochain.